Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Vamos chitar pour m'tende. Tende qui ça? Ou pas informé? Communauté haïtienne qui n'a équateur a gagné une émission pour faire passer voix tout haïtien qui vivent dans l'équateur. Mais sous qui radio? Émission ça a passé dans radio qui juste à la caille culturelle équatorien yo. Qui fréquence? 9:40 AM, sorti 2h pour arriver 4h dans l'après-midi. Eh bien mes amis, on prend une chaise bas nous pour nous chitar pour m'tende. Et zami auditeur k'ap koute nou jodi a, yon gwo bonsoir pou nou tout. Ou konnen depi les arrive, se emisyon pa la ki antre la kayo, emisyon chita atande. A pati de jodi a, nou gen yon lot nouvo membre nan emisyon sa, si se chita atande. E paske nou menm nan emisyon sa, se talan ap chèche. E se nou tout konnen deja, se yon misyon e qui est fait socio-éducatif et nous connaît un seul monde, deux mondes pas capables de faire émission, c'est une participation toute haïtienne. Je dis à nous bien content ensemble avec nos frères et Vital M. Charles. La partie de jeudi à qui c'est un nouveau membre dans l'émission Chita Tandia. Frère Vital M., bonsoir. Bonsoir, frère Emmanuel Pierre. Moi, je dis bonjour, merci, je vous dis, parce que c'était quand même un privilège pour être capable de venir là, et comme vous t'invitez, moi, pour être capable de venir là, c'est un plaisir pour moi. Moi, je suis fier de ce que moi, là, il a parlé dans la langue maman, avec papa, non. Moi, je suis fier un peu. Oui, justement, frère Vitalem, là, nous t'ai créé émission ça. Nous t'ai créé émission ça, dans un objectif côté, et pour nous capables, enfin, tout le monde connaît créole là, c'est une langue niée. Et plutôt pour nous capables de parler avec compatriotes nous qui là dans l'Équateur. Je dis à nous pour parler ensemble avec vos amis auditeurs sur un gros événement côté nous même nous t'ai commencé embryon mais on connaît de jour en jour et embryon ça a continuer. Nous t'ai commencé avec émission dans la langue créole juste pour nous t'ai capable faire amis auditeurs connaît que langue créole là c'est langue maman papa et c'est une langue yo yo pas de honte pour yo parler li côté yo ye. Ah jodi a demain si Dieu veut côté nous gen écrivain haïtien qui a présenté un paquet livre de à partir de demain soir à 7h du soir jusqu'à 1er décembre côté n'a gen foi du livre qu'a fait en Équateur côté livre ça c'est livre qui fait en créole et en français côté on va montrer équatorien qui ça qui langue créole là et on va parler un peu de histoire pays nous et frère Vitalem nous c'est un grand privilège pour nous aujourd'hui que nous va parler de grand événement ça. Eh bien, moi, senti, c'est mon capable de dire son grâce, bon Dieu fait pour moi, parce que, nous gagnons, moi, dans moi, qui c'est moi, novembre blanc, qui c'est 9 novembre 2013, qui fait moi, gagne trois ans ici, depuis ma visite, mais mon pas déjà me joindre, et mon pas déjà me tendre parler tout, de yon arrestation, ou bien yon ambassadeur, qui gagne ici, en Équateur. Mais je dis à son grand privilège que bon Dieu capable bah nous moi me capable là et m'attendais vraiment Emmanuel qui a parlé en créole qui c'est dans la langue maman nous avec papa nous moi dis son grâce que bon Dieu fait nous n'est pas tellement bon mais son grâce les fait tout et moi dis merci tout et de temps en temps que nous dehors n'a parlé n'a fait voir nous monter plus haut c'est comme ça tout n'a augmenté culture haïtienne moi ça c'est content en pile. OK frère Vitalem c'est un mot d'encouragement pour nous mêmes qui t'ai commencé en brillant ça et en brillant ça qui continue et hier nous t'ai gagné une interview ensemble avec deux nains écrivains qui c'est monsieur Fred Brutus avec Bourbon côté on t'ai parlé non pour qui raison yo yo vin dans l'Équateur et qui ça voulait faire et Normalement, frère Vitalem, qui ça ou voulez dire amis auditeurs qui écoutent nous aujourd'hui, hein, que normalement, y a une émission en créole, et puis demain, si Dieu, à partir de demain soir, côté inauguration du livre, côté équatorien pour acheter livre qui fait en créole, et livre qui fait en français, et n'a pas tant de participation ici autour. Bon, moi déjà, accepté et moi déjà appuyé avec ça tout parce que il y a un peu l'haïtien qui finissait moi t'as travaillé dans une librairie qui est le Continental des Libres qui est placé dia de agosto et barra dans centre-ville là que parfois quand quelqu'un haïtien qu'on vient là c'est les vieux vannes et qu'on vient là qu'on besoin dictionnaire français en espagnol mais par contre je viens on ça tout il y a l'autre livre encore qu'on besoin. Et par contre, je n'ai, mais si écrit, si tout qui fois, bon, je fais écrivain, ça revient. Moi, c'est en premier par la pied pour nous-mêmes, peuple haïtien qui vivent en Équateur. Non seulement écrivain, vous venez présenter le livre. N'a pas dit, amis auditeurs, non seulement vous présentez le livre, mais vous venez pour vous faire un accord. Même Jean et le président Michel Matéli étaient vini ici en Équateur, il était signé accord ensemble avec le gouvernement équatorien et dans affaire pour capable aide et dans affaire faire route vers l'école infrastructure. Mais qu'on y a nous est tellement bas la prochaine, non c'est pas seulement il y a venu signer accord pour ça, mais il y a venu signer accord du livre côté n'a pas les accords du livre, tout le monde a dit mais comment accord du livre ça fait et comment ça fait? Eh bien, amis auditeurs, mais comment ça fait? Écrivain ça yo même et haïtien yo vinn chita avec écrivain équatorien tout. Puis yo capable signer un accord pour écrivain équatorien traduit livre par yo en espagnol et puis publier yo puis mettre dans toute bibliothèque, dans toute librairie en Équateur et yo même tout l'écrivain haïtien yo traduit livre par yo en français et en créole quand on a besoin livre par yo dans la bibliothèque nationale et dans toute bibliothèque qui gagne en Haïti et dans la maison du livre nous gagne en Haïti et dans toute librairie haïtienne. OK. Et plutôt les amis auditeurs n'a fait connait que c'est pas seulement écrivain haïtien qui là, nous gagnons et directeur bibliothèque nationale là qui a privé à soi là parce que le Canada l'a privé à soi pour être capable de participer dans la foire du livre et amis auditeurs haïtiens qui écoutent nous c'est un privilège pour vous pour capable à participer dans la foire du livre ça parce que grand pile écrivain grand pile ex-ministre en pile gros autorité haïtienne nous pas de chance pour te reconnaître ni connait en Haïti et on a une chance pour capable ouais de chair en os. OK. Et amis auditeurs n'a prend une pause musicale que n'a retourné. Gade mnonje, menyon chouken, wase tim takye, mè ou nan mèm choui ban mwen, kon ki pa do de mwen. Gade mnonje, menyon chouken, wase tim dezole, mè ou nan mèm choui ban mwen, kon ki pa do de mwen. Conscience me pas en paix. Oh non, non, non, moi mérite l'enfer. Gardez-moi, j'ai mes mains sous le cœur. Voici Amis auditeurs, nous retournons pour nous capables de continuer ensemble avec vous. Frère Vitalem, comme on a une émission ensemble avec nous, et nous sommes détaillés pour les Haïtiens, tout ça qui gagne. Qui aspect positif ou est-ce que ça gagne dans l'échange livre côté livre haïtien pour le passer en espagnol pour publier en Équateur et livre équatorien pour traduit en français et en créole pour capable publier en Haïti. Bon. Il y a un message qui a passé pour les haïtiens. Hein? Projet ça qui vient la demander pour tout haïtien qui tendent, captant de nous là, ou bientôt même les pas ça qui pas tendait, ça qui tendait capable passer message là par l'autre pour nous capable applaudir avec toutes vari ça qui gagne pour projet ça gagne pour réaliser pour moi même déjà ouais que là très bon parce que gagne haïtien qui ici seulement il pas attendait ou bien il doit attendre espagnol là il pas comprendre ni même quoi avec projet ça qui venir il capable ouel il capable joindre lui ça il capable acheter yo constater il capable comprendre langue espagnole là parce que la en des langues la en espagnol et puis la en créole aussitôt pour en Haïti gain étudiant qui étudie en espagnol gain quelque bagaille il pas comprendre depuis livre là il joindre livre là qui en des langues avec ça tout il capable comprendre moi j'étais quoi que ça très bon. Et puis ça a marché. Et puis tous amis auditeurs, demain si Dieu veut, dans l'inauguration ça, non seulement il y a inauguré les mais il n'y a pas faire un petit râler sur l'histoire. Nous songez dans l'émission qui était faite dimanche dernier, à côté nous t'as parlé ensemble avec vous, et nous t'as fait un petit râler sur le 18 novembre. Qui t'est passé, nous t'est parlé, ou, quoi, ou songez que tout ça nous t'est parlé, que nous pas voulons retourner sous yo. Mais, jeudi, nous pouvons faire une petite courte histoire, encore, parce que nous t'es fait une histoire pour nous te dire côté, vertir, lui-même n'était sorti, et qui t'est débouché sous indépendance, non. Et puis, les amis auditeurs, après indépendance, nous, le 1er janvier 1804, il était proclamé sous place d'âme des Gonaïves. Indépendance, nous, pas traité là. Parce que, il y a un autre pays qui t'a fixé sous indépendance, nous. Côté, nous, t'es gagné, Simon Bolivar, lui-même, qui t'est descendu en Haïti, qui t'a le côté de Saline, dit, de Saline, t'as remis. Pour nous t'a gagné un pays pam qui s'est venu à Venezuela, lui-même pour libre. Comment nous qu'a fait? Comment nous qu'a aidé? Et non seulement des salines, mais de Simon Bolivar, je t'en te fait l'école li. Quand elle te dit comme ça, mon cher, mes stratégies pour utiliser, pour capable de gagner sacré l'indépendance. Et puis tout, Simon Bolivar dit, waouh, stratégie ça, belle. Mais moi-même, pas gagner, garçon vaillant, tant que, ancien esclave ça, comment capable? Il dit, ben, m'a prêté aux quelques membres de l'armée indigène, non, qui te vint une bataille, et pour capable libérer Venezuela. Non seulement, il n'est pas traité Venezuela, non tant longtemps, on te qu'on parlait de la Grande Colombie. Là, on te qu'on a parlé de la Grande Colombie, où tu es, ouais, Venezuela, Colombie, et Équateur. Et nous gagnons clairement que Simon Bolivar lui-même, il était voulu libérer la Grande Colombie. C'est ça, et esprit Hugo Chavez, mémoire, lui-même l'était vlé et mettait en vigueur côté l'était mettait en honneur Haïti côté l'appli de toujours parler de grand Simon Bolivar qui était l'Haïti qui était découvri ça était la Grande Colombie et puis nous connaît l'était arrivé libérer Colombie et on était arrivé ici en Équateur que c'est même un nègre esclave ça qui était fait sacrée bataille de Pichincha qui capable cause majorité dans pays à l'Amérique latine dans lui-même li vin libre li vin indépendant vin gagne sacrée l'indépendance et mes amis auditeurs ça n'a pas là c'est un petit crasse dans ça et nous gagne historien écrivain haïtien pour le parler demain si Dieu veut dans ancien airport Mariscal Sougre qui au nord de Quito et moi frère Vital m'a souri semblait li content li voulait dire amis auditeurs yon bagay sou et istikot histoire ça frère Vital m'a tendé mon cher m'a senti très content en ville depuis bon Dieu t'a fait projet ça a marché parce que si tu gen ti moun qui fait ici qui c'est qui fait qui c'est petit haïtien qu'on y a gen c'est équatorien et constateur haïtien même les pas attendre la créole là mais depuis les vieux vin paraître dans souterrain quoi que y a capable tendre capable parler et y a pas prendre la glatte et puis tout et y a m'apprend yon bagay que moi pas connais et m'a partagé ensemble avec auditeur. En pile, moun en a parlé, en pile, et chanteur, le chanteur, il dit, Haïti, la perle des Antilles. Mot ça, il souvent répété. Et puis, pourtant, c'est un mot qui te mettait nous dans esclavage. c'est un mot nous t'a dû éliminer. Wow. Zami, on dit de capter dit pour qui ça moi-même prendre décision ça pour me dire son mot pour nous t'a éliminer. On va poser ta question pour qui ça et bien n'a pas expliquer. Là on t'a parlé de la perle des Antilles. C'est que c'est pas en pile monde wali Haïti t'es belle, Haïti t'es frais. Oui, il y a sens ça tout. Mais pour qui ça je dis la perle des Antilles. C'est colons français yo là on t'a investigué pour te connaître qui pays au point souci, qui pays yo pour le prendre richesse. Si m'est capable de développer li dans un contexte nous y connait, on a dit yon haïtien qui vient Équateur, il entre sur internet et puis il entre en Équateur pour voir position géographique li, richesse li, langue li parler, culture li, tout bagay sa yo. Eh bien, et colons français yo même à l'époque, on pas traité quoi, on te gain internet puis on te fait ça et non, seulement histoire par révéler comment nous te mené investigation ça, mais seulement yo te vinn gagner des informations sous l'île Haïti qui c'est République Dominicaine et République d'Haïti. Yo dit waouh, là on fin découvrir toute richesse qui gagne l'or, indigo, pit, cacao, coton que nous te gagne dans terre d'Haïti. Et yo dit c'est la perle des Antilles. A dit son côté pas fou rêver, yo pas prend richesse et puis yo dit la perle des Antilles. Et puis nous même nous rete a dit la perle des Antilles, la perle des Antilles et puis la perle des Antilles c'est un mot depuis nous yo ouais c'est piya yo pas faire un côté. Ça dit si yo pas trouvé mon la perle des Antilles la colon français yo et yo pas tab vin déboucher sur ça que les esclaves parce que yo t'ai besoin et main d'œuvre qui pour aider yo et prend richesse ça yo et aider yo cultiver les canne à sucre et cultiver coton cacao et là on t'est arrivé indien yo même ça a été les indiens yo parce que Christophe Colomb lui-même il était by non indien mais il pas de jambe. Pour l'île, parce que c'est aux Indes, l'île pour aller vivre, l'île va y non indien. Mais nous, par contre, qui non, et groupe Mounsa a été gagné avant, que, n'adopter comme Christophe Colomb a été indien, nous acceptons le mot indien, mais, par contre, amis auditeurs, qui te mal font recherche pour moi, est-ce que, avant, y'a pas de gagné non, dans la prochaine émission, bien, dans l'émission qui a un caractère historique, que, n'a pas, et bah ou non ancien et monde qui t'a vive dans terre d'Haïti qui non te guerre yo te relé Taïnos Arawak bon tout monde tout nos ça son nom que nous pouvons pas définir et les indiens ça ont commencé qu'ils travaillent la terre parce que c'est pas un peuple qui te compte travail dur et puis yo commencé faire au travail dur qu'on y a commencé mourir par milliers et puis yo te venu ensemble avec et esclaves qui sorti dans pays Afrique. Et frère Vitale Mouka explique aux amis auditeurs comment ils ont été sorti avec nous en Afrique et puis ils ont venu avec eux dans terre pour te faire venir cultiver, venir extraire l'or dans terre et parce que ils ont été colons français ont été les à la perle des Antilles. Bon, effectivement, il y aurait les peuples haïtiens. Je fais comprendre que les Haïtiens étaient sortis en Afrique, ils étaient dans un bateau. Ils étaient les bateaux à négrier. C'est avec bateau ça, c'est dans bateau ça, ils étaient venus avec les peuples haïtiens, venus travailler en Haïti parce que ils étaient besoin de peuples noirs qui pour travailler dans la terre. Parce que c'est les peuples noirs qui ont plus résistance dans le travail, ils ont plus force tout. C'est ça que fait obligé venir avec eux, nous te venir dans bateau ça qu'on a nous te venir faire mélange avec français mais c'est français qui t'a vivre en Haïti c'est pas t'es haïtien qu'il t'es c'est en après qu'on a été plus que français t'a maltraité haïtien yo qu'on y a haïtien yo te venir gain un petit pito noir yo OK noir yo et puis Dessalines même il te venir révolté Kounia était obligé mener bataille là jusqu'à ce qu'il devienne bataille avec français blanc français yo et puis nous t'ai fin gain Haïti qui c'est relé Haïti jodi a et puis qui vinn gen pèp haïtien k'ap viv an Haïti a levite an Haïti. Bon, zanmi oditeur, m kwè ou tande comment frère Vitalem li menm li te parle non de bateau k tire le négrier ki te vinn ansanm avèk noir d'Afrique. M kon tande lè n'ap chante nou se nèg Afrique, nèg Guinée, nèg Dahomé. Zone sa yo se zone sa yo te sorti ansanm avèk noir sa yo et yo te vinn ansanm avèk yo an Haïti. An pran yon pause musical et n'ap tourne. Chalek nan kor gen tan fèm transporte Li fèm gen tan imagine tap fè l'amou Li fèm gen tan blye gen moun kap gade nou Thank you. Amis auditeurs, nous retournons. Jodi, on a parlé de l'histoire pays nous. Raison qui fait nous centrer mission nous sur histoire nous, parce que actuellement dans le pays, nous avons des historiens haïtiens, des écrivains haïtiens qui là qui pour présenter sacré le foi du livre haïtien. C'est pour la première fois. Et ça fait en Équateur, côté haïtien, vient présenter Livio, yo à l'honneur. Et plutôt, amis auditeurs, et groupe Mounsao qui vini, yo a fait sacré le foi international du livre en Haïti, tout, dans le mois de décembre. Pas tellement rappelé une date là, que y a fait lim quoi, entre première ou deuxième semaine mois de décembre que les fois ça a fait en Haïti. Pays à l'honneur c'est Venezuela. Et nanti rencontre nous t'ai ensemble avec monsieur Sayo, écrivain Sayo, qui là dans pays et n'a quoi dans prochaine émission non pas fin assurer aux amis auditeurs mais n'a pas si nous t'es capable dans prochaine émission si nous capable gagner yon ou bien deux écrivain ça avec nous dans studio nous et pour nous si nous capable poser deux trois questions pour capable répondre pour vos amis auditeurs n'a pas toutes mesures et que nous avons fait. Nous avons fait un gros effort, mais nous pas pour maintenant. Ça a arrivé parce que nous connaissons fois fini et 1er décembre, mais nous pas connaissons si après jusqu'à 1er décembre parce que nous avons un grand travail qu'il a fait en Haïti pour voir comment on est capable de faire froid du livre. Et monsieur Fred Britus, il y a un grand écrivain haïtien que haïtien qui soumet qui lit livre qu'on est lui c'est directeur ces trois livres haïtiens en Haïti, ces trois livres haïtiens est fondé après et fin deuxième mandat Préval et côté il était parlé un peu de pour qui ça Préval il y en a qui simple il y en a bon qui vague il fait deux mandats sous non au pays. Et il était bien par rapport yodo et que en pile haïtien opiné dit qu'elle était bien gouvernée, il était bien fait en lice au pouvoir. Eh bien next ça préparer un fond du livre dans première ou bien deuxième semaine mois décembre cap venir là parce que pays à l'honneur c'est Venezuela. Ça que fait Venezuela les mêmes c'est lui au choisir. Premièrement, sinon retournons dans l'histoire, Simon Bolivar lui-même est allé en Haïti, il a demandé haïtien qu'on coupe le terrain sacré la Grande Colombie. Deuxièmement, c'est premier pays qui demandait et auteur écrivain haïtien yo, est-ce que on ka fè yon signé un accord pour livre haïtien traduit en espagnol pour vendre au Venezuela et livre écrivain vénézuélien yo traduit puis al vendre en Haïti. C'est pour raison ça yo choisi et Venezuela comme pays à l'honneur. Faut vitalem. Oh, grande question. Hein? Et comme livre là, titre là c'est la foi du livre. C'est vrai? Et non, et pas titre livre là. Et foi du livre là c'est côté il y a exposé tout livre auteur haïtien et l'autre auteur qui parlait sur Haïti a exposé livre ça ou même ou gain chance pour passer pour bonne explication sur livre ça sur le meilleur ou acheter. OK, c'est encore presque y a une histoire livre là. Yeah. Ah OK. Oui, moi c'était quoi la plus bon parce que tout que si toute que fois ça t'a fait comme ça d'abord hein. J'ai même pas de penser le consomme, j'ai toujours pensé ce titre livre-là, c'est la foi du livre. Mais comme dit, là, on parlait de la foi du livre, c'est, il parlait de l'auteur de tout livre. De toutes les livres, moi, j'ai pensé que c'est un livre spécial qui était non, non, non, non, non. Par exemple, si monsieur Vitalem Charles écrit un livre, il a considéré le livre là, et on connaît, avant de publier un livre, faut que le livre là passe dans le comité de lecture. Comité de lecture, lui-même, il lit le livre là. Yo opiné sur le livre là, yo critiqué le livre là, et puis yo voit comment si sa auteur a écrit, est-ce qu'il est bon, est-ce que ça l'écrit a gain fond, est-ce qu'il y a faute, que tout bagaille ça yo, et puis yo chita avec auteur, yo voit que le bon livre ça lui-même, li normal, li capable de publier. Et dans fois ça yo exposé le livre là. Par exemple, m'est capable écrire un livre, on a écrit le petit livre là, Les Haïtiens vivant à l'étranger. Et puis, mettez sous titre livre là, Les Haïtiens vivant à l'étranger. Et puis, je suis parlé des Haïtiens qui vivent en Haïti. Ou bien, je tombe parler des agriculteurs dans le livre là. Là, ça, je dis, waouh, qui ça n'est que ça a écrit? Et ça n'a pas écrit rien. Ça, c'est pour un auteur pour nous capable de publier, qu'on reconnaître comme auteur. Mais si je m'écris, et les Haïtiens vivant à l'étranger, ils ont même parlé depuis les Haïtiens qui étaient payés là, qui s'acte dans penser là, les arrivent dans pays là, qui s'allait rencontrer, comment ils se défendent dans pays là, comment position géographique là agit sur Haïtiens là, parce que les Haïtiens viennent simplement barrer mes frères, ils viennent s'arriver. Et au dos c'est géothermal, ça qui vient, c'est pour boucher qui font, ça qui vient, yo te connais bien trois fois par jour là, kayo, et puis même une fois par jour, bah ben, m'a expliqué tout ça en dans le livre là, les ça a dit waouh, nèg ça investigué, li parlé, et l'autre haïtien qu'en Haïti ou bien l'autre monde cap li livre ça, y a pour et toute information comment haïtien cap vivre à l'étranger, comment oui, est-ce que organisé, est-ce que on a une mission qui fait en créole, comment yo mettez on un pour pays pour yo vivre avec nation ça, comment yo adapter avec culture pays ça, c'est comme ça que nous capable dit yo accepter yon auteur et qui écrit yon livre, yo accepter livre là, mais c'est pas que auteur dit la poêle au cap et puis le garde au bon ou Jérémy. Et mes amis auditeurs, on apprend dernière pause musicale, non? Et pour nous capables retourner, pour nous capables et conclure ensemble avec émission Paola qui s'est chute à donner. Les femmes sont très belles comme d'habitude à Paris, comme d'habitude. Et ça te fait plaisir. Mwen sa yeme konen, si ou pa fatige. Refete mye koze, ou konen pa fèm bien. Se kwen nou te pale, ou te di ke ou pa kone. Pou ki ou ki te rancu, vilan va yi sou kè. Se gen mwen apè rache, sa kwa mwen ou kade. Nan si yon ka devine, tout sa ki nan panse. Le telefon sonne, yon toujou bezwen konne. A ki moun va pale, ki ni me moun fele. Ki je oule moun vive. Si yon pa devine, yon le passe. Konbyen moun ki dat lo nan se. L'amour va dans le bas côté. Lorsque vous descendez, vous n'avez pas de plaisir. Oh non, non. Yon zami vin bonjour, goûtez prêt pour des fous. Sans yon dit réflexion, tombez vos questions. Et dernier point, villa, combien vous nous menez là? Oh mon Dieu, tout s'il est, papa, je suis bon crier. Baba sus pon plenye, ou yon yon rep se fè. Ki je vle moun vive, si ou pa devide, yon le passe. Konbyen moun ki dat le passe, si l'amour va kon patoni, ya ya. Thank you.

yo se voy a la movida, ukisa, ukisa, papi, ukisa, yo era mal a ver bloque, ukisa, ukisa, ukisa, no me son, ukisa, yo me encontré en el estuvo, ukisa, ukisa, ukisa, ukisa, yo le va a ayudar, yo le va a ayudar, yo le va a ayudar, yo le va a ayudar, yo le va a ayudar, yo le va a ayudar, yo le va a ayudar, yo le va a ayudar, yo le j'ai un petit point fait, moins fait. Où ça dit, où va, où j'ai un petit pas bon, pas bon, des anglais. Où ça dit, pas bon, pas bon. Où qui chaque jour baisse l'Olan. Où qui ça, yo se voit j'en l'envoi. Où qui ça, où qui chaque jour baisse pipo. Où qui ça, yo est un malgré bloqué. Où qui ça, où qui chaque jour serra l'fondé. Où qui ça, yo rencontré dans le restaurant. Où qui ça, où qui chaque jour baisse wo wo. J'ai un petit peu bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Eh bien, amis auditeurs, vous connaissez, dans tout commencement, il y a une fin. Nous parlons plus que nous passer musique haïtienne pour vous, pour capable y aller encore. Mais vous connaissez, nous avons un événement côté pays, nous. Et pour aller faire sacrer les fois du livre que vous présenter livre non pas capable nous même qui t'ai commencé embryon ça pour nous être indifférent pour nous pas parler de foi du livre ça qu'a fait en Équateur. C'est pour cette jeudi là nous t'es capable parler et nous t'es bon yon avant goût dans l'émission. C'est que nous quoi à partir de vendredi et qui saute so passé là qui c'est vendredi et vendredi qui 22 et côté fois ça lui même l'été commencé depuis vendredi 22 qui a fini et jour capé 1er décembre qui c'est dimanche 1er décembre que la prend fin et pratiquement la durée une semaine et demie et fois ça. C'est pour ça jeudi nous t'ai parlé avec au fois du livre. Donc par contre si frère Vitalem qui en dernier mot n'a dit avec amis auditeurs qui côté nous journée jeudi à des micros ça. Eh bien message que me passer n'a demandé premièrement aide bon Dieu et puis n'a demandé aide tout haïtien autour pour tout haïtien qui vit en Équateur pour capable appuyer avec tout projet ça gain pour fête là afin que pour le capable aider nous avec l'anglais avec espagnol là pour ça qui par contre parler premièrement il y a pour lire en espagnol lire en créole qui c'est dans langue maman nous avec papa nous. Eh bien nous rete quoi bon Dieu a fait toute bagaille marcher bien pour nous. Et un autre message encore on a passé pour tout auditeur qui c'est peuple haïtien. Moi même moi relève Vitalem Charles. Ma vie dans la section nord et ça qui par contre naviguer sur internet côté moi gagne un super café qui est titre c'est super Jonathan Charles des pour paraître qui c'est dans calle Los Cedros OE2 raya 253 et avenida de la audiencia quoi depuis nous fait là n'a déjà ouéli en grand lettre et puis le numéro cellulaire c'est 09 980 858 26. Et puis nous verrons nous même qui gagne un ordinateur qui gagne problème nous besoin qui moi là de prouver là ou besoin d'épanage besoin monter un ordinateur ou besoin installer un programme ou besoin mettre un antivirus ou besoin un photo bout de photo ou bien un photo normal ou besoin d'usage ou besoin cambia fond dans photo ou pas gagne problème tout ça ou besoin faire nous pas gagne problème nous faire. Et bien que nous connaît haïtien yo gaé en Équateur, c'est-à-dire nous parler pour ça qui préo capable De toute façon, j'ai une possibilité capable de visiter nous et puis n'attendre de porte là ouvre pour yo parce que c'est kay haïtien. Et n'a prié bon Dieu tout pour yon l'autre activité ou haïtien tout capable mettre yon l'autre activité capable mettre un restaurant ou bien capable mettre yon peluquerie à côté capable ta cheveux et puis noter ça après bon tout ça c'est n'a pour nous capable présenter culture haïtienne. Deuxièmement, le côté nous passons l'autre message encore pour nous gagner un livre qui c'est Librairie Continental des Livres qui est placé tout près Banque Centrale qui est dans centre-ville là et qui vend livres, dictionnaires ou même cap étudier dans et Université Centrale. Tout livre au besoin capable de venir là pour médecin, médecine et infirmière là, toute qualité des livres à venir là. Capable avancer, capable aller là avec la web junior. Et c'est ça, c'est tout ça nous qui pour nous te dire. Nous dit bon Dieu merci de ce que tu es capable de nous privilégier ça, pour te capable chita là, pour nous capable parler avec, partager avec auditeurs, tout le monde capable de nous. Deuxièmement, tout nous dit merci avec frère Emmanuel Pierre, qui t'est invité, moi, de capable venir là. Et comme ça, qui t'est non, que papa, bon Dieu, capable bénir nous, capable grâce lui sur nous. En abondance et le cap vous en pile bénédiction. Avec vous, frère Emmanuel. Merci qui est passé. Bon après-midi. Nous dit tous les amis auditeurs, nous cassons un rendez-vous pour notre plus bon prochain émission et pour prochain dimanche. Kembe Balagé. Ciao. Émission sans attendre là, pour qu'on en y est. Ça c'est toi qui êtes là, chat et la dé. Jésus. Te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche sans recul. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Oui, ton Seigneur. Il consolera tes pleurs. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Oui, ton Seigneur, il consolera tes pleurs. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main. Il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche sans recul. Si ton prochain se tourne contre toi, tends-lui la main, ne le réprime pas. Si ton prochain se tourne contre toi, tends-lui la main, ne le réprime pas. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main. Il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche sans recul. Ta confiance en Dieu qui te donnera une vie de joie, une vie d'espérance. Mets ta confiance en Dieu qui te donnera une vie de joie, une vie d'espérance. Pasteur, Jésus te vendra la main, il te faut. Protège-la en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche sans recul. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main. Il te protège-la en chemin. peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche sans recul. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Non, non, non, non, non.